Alors, son truc à lui, oui. C'est les pieuvres. C'est Docteur Octopus. Putain, oui. Ok. Freestyle dans 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, c'est Gérard Jugnot et Batman. C'est moi-même Batman. C'était un freestyle. C'est moi-même Batman. Oh, tu le fais bien. C'est vraiment moi. C'est attends, mais t'as la Batmobile garée dehors là. Je suis le Batman. D'ailleurs, comment va la Batmobile? Très mal. Comme à son habitude. Non, en plus, c'est une vraie private joke, mais comme je m'habille tout le temps en noir. Eh bien, les gens ont commencé à m'appeler Batman et j'ai une Clio 2 qui est, j'allais dire flambant neuve, mais qui est plutôt flambant vieille et qui a bon nombre de problèmes et que les gens ont appelé par la force des choses la Batmobile. Exact. Et bon, elle n'en a que le nom, mais ouais. Au moins, elle passe pas inaperçue. C'est vrai. Et elle est légendaire comme la Batmobile. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas noire, elle est plutôt vert olive. Ce qui est... Vert olive, c'est gentil, je trouve. C'est gentil, hein, vert olive. C'est plutôt une sorte de vert merde. après, ferme ta gueule, mais... vert cacadois, quoi. Ouais, c'est... Ok, donc le podcast a commencé depuis 30 secondes. Ma lampe est déjà tombée. Mais de quoi tu parles? C'est une lampe que tu gardes. Tu sais qu'elle marche pas et tu la gardes. Alors arrête. Oui. Arrête. Oui, elle, est déjà elle marche cassée. Pas. Oui, regarde mais... ça, t'as même eu la flemme de changer l'ampoule. Non, mais. Ça fait 6 mois c'est de mon que tu chat. Parles. Non, arrête. C'est mon chat qui l'a cassé. Bon. Je veux la garder en souvenir. Non, mais en vrai, elle est jolie ici. Oui, passe bah, bien. Ouais, elle est super belle. Surtout qu'en plus, elle est super bien nettoyée. Ouais. Donc ça fait plaisir. Alors, on en est là. Monsieur, je garde mon linge à chaque fois en train de sécher dans mon couloir. Là. Oui, bon, écoute, il y avait un pull mouillé qui séchait là il y a deux secondes. C'est pas moi. Ça, ils peuvent pas le voir. Mais il y en avait un, ok. Que voulais-je dire? Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Bien sûr, non, pas du tout. Non, c'est un épisode. Si, on un peu spécial. Il est spécial, voilà. Mais tous nos épisodes, tous les épisodes sont spéciaux uniques et toujours voilà. Le meilleur qualitatif. Bien sûr, bien sûr. Toujours hashtag, toujours excellent. Tu sais qu'on a remporté un concours Lépine, hein, donc de l'innovation française. Hein. C'est, bah, premier prix. J'étais au courant. Mais il pourrait faire quand même plus bonne presse par rapport à ça. C'est quand même assez ouf. Ouais, après je me dis, en vrai, la vie n'est-elle pas un chemin? Oui. Voilà, donc marchons, un chemin, mais... marchons, enfants de la patrie. Voilà. Et vers quoi on marche, Vincent? Vers les méchants de films. Exactement, c'est la pire introduction. Non, en vrai, voilà, aujourd'hui on va parler des méchants de films, qui est une exactement. Formidable idée de Vincent. C'est moi. Lui, finalement, non, j'étais pas Gérard Jugnot. Voilà, on pouvait le croire, début, on pouvait le croire. Ah, mais non, mais c'était pas vrai. Même moi, je me fais avoir parfois. Et oui, bah, c'est la calvitie qui te met sur le. Sur le doute. Sur le mauvais chemin. Sur le mauvais chemin. Et encore une fois, celui de la vie dont on parlait avant. Hein. Exactement. Alors, mais on a prévu un petit jeu. Un petit jeu. Un qui petit se jeu. Réfère un petit peu à celui qu'on avait fait pour trouver les films dans l'épisode « Ces films vont vous changer la vie ». C'était ça. Ces films changent la vie, ces films incroyables, ces films qu'il faut voir parce que sinon on est une merde. Je crois que c'est ça le titre exact. Ouais. Hein, mot pour mot, c'est ça. Mot pour mot, c'est ça. Et du coup, on a repris à peu près la même idée, c'est-à-dire qu'on va devoir faire deviner à l'autre. Oui. Et à vous-même, hein, vous pouvez jouer avec jouer nous. Jouer avec nous, voilà. Hein, vous devez deviner le méchant c'est qu'on un va. Petit peu, interactif. Voilà, bon, c'est Internet, j'ai envie de dire. On peut tout faire, quoi. C'est un peu un DVD-ROM qu'on met dans son PC, on clique, bon, ça charge, et puis là, il y a des bouts, on est un peu dans ces eaux-là. Quoi. Attends, non, pas du tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Mais on va faire deviner des méchants de films, et je te propose de commencer. En parlant juste d'Adibou, oui. J'ai vu une interview. Je l'ai vu aussi. J'ai vu l'interview Concombre, dans l'interview Combini du créateur d'Adibou, qui se la raconte un max. Ouais, on a créé Adibou, on est allé au CES de Las Vegas, on a levé des millions de dollars. Tout le monde nous a dit, c'est génial. C'est un peu notre revanche et tout. Les Anglais étaient là, this is awesome, what an incredible event. Norman fait des vidéos. En 95, quoi. Bien sûr. Et franchement, j'étais devant mon ordinateur en train de dire, bon, après c'est Adibou, calmons-nous peut-être quand même. Ouais. Mais bon, c'est vrai, il a eu le mérite de créer quelque chose qui a marqué des générations. Ah, puisque bah, Squeezie en a fait une vidéo. Et si Squeezie en fait une vidéo, c'est que ça a marqué une génération. Toi, tu as joué ton petit Adibou. Écoute, n'ayant pas d'argent quand j'étais petit, non. J'ai vu des gens y jouer, mais je n'y ai pas joué personnellement. Moi, j'y jouais à l'école, en fait. Vous ne savez pas, ouais, mais à l'école, on nous proposait, on avait la chance de nous dire « Ouais, allez jouer à l'ordinateur, là, faites des trucs. » Les petites conneries. On avait la démo de Tarzan et Adibou. Ok, bah c'est formidable. Et une démo d'un jeu Star Wars aussi. Eh ben. Où on comprenait rien. Franchement, de quoi devenir un bon gros geek. Exactement. Alors, tu commences ? Je commence. Allez, let's go. Ok. Donc, le principe, voilà, c'est qu'on va, mimer, on va donner des indices, on va essayer de faire rentrer l'univers. Poum, tchak, tchakata, poum. Bon, celui-là, normalement, il est facile. Oh là là. Alors, disons que quand il s'agit de faire les choses à moitié, c'est le meilleur. Ok. Il est un peu collectionneur sur les bords, puisqu'il aime beaucoup les trucs un peu clinquants, un peu bling-bling, tu vois. C'est Booba. C'est lui-même. C'est le méchant du film. De la vie, en fait. De la vie. Si vous êtes un rappeur, c'est votre némésis. Mais là, la phrase qui devrait normalement te faire trouver. Pour l'instant, t'as pas d'idée ? Franchement, vu comme ça, non. C'est très vague. Il aime faire expédier les choses rapidement d'un claquement de doigts. C'est Colissimo ? Ou c'est Thanos. Thanos, oui. Wow, c'est excessivement dur. Bon, mais le claquement de doigts, mais vraiment sur le chemin. La piste, en fait. Bien sûr. Mais je l'ai appuyé, j'aurais dû dire. Il aime faire expédier les choses rapidement d'un claquement de doigts. Non, mais c'est bien trouvé. Mais ok. Mais sympa. N'empêche, quand il s'agit de faire les choses à moitié, c'est le meilleur. Ça, c'est pas mal. C'est bien trouvé. La tournure est assez agréable à l'oreille. Je suis un rappeur professionnel. Ça caresse le tympan, on s'en remet pas. Hein. Exactement. Il y a un avant et un après. Hein. Bon, après... Ah non, mais je suis dithyrambique, c'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue. Ah bah voilà. Je pense qu'on peut mourir tranquille. D'ailleurs, j'arrête tout. Hein. Moi, je m'en vais. Allez, viens me faire découvrir ton méchant film. Alors, il est vieux. Ok. C'est Palpatine. C'est vrai. C'est vrai? Oui, parce que moi, j'ai fait des dessins. Je ne sais pas si on les verra. Attends. Non, on ne les verra pas, malheureusement. Attends, si. Je vais changer. Vas-y, meuble, pendant Attends. Que je... Vas-y, ouais, montre. Et je montre vite fait à quoi ça ressemble. Tac, tac, tac. Voilà, ça, c'est mon Palpatine. Donc, je crois qu'on était à ceci près. Voilà, on bah c'est... Donc, Palpatine. Moi, j'ai fait des dessins, il a fait des descriptions. Comme ça, on se complète un petit J'aime peu. J'aime bien parce que avant de venir, il m'a dit « Moi, je vais faire deviner Palpatine. » Et il l'a vraiment fait. Oui, je me suis dit « Bon, après, c'est vraiment un jeu sur un podcast. Il n'y a pas une Jeep à gagner. » Donc bon. Une Jeep Renegade. Une Jeep Renegade. Donc voilà, Palpatine. J'avais envie de dire salut, c'est moi. Je suis vieux, je suis tombé dans un puits, j'ai explosé, mais en fait, je suis en vie. Voilà. Bah, c'était dur. Hein. Ah, comme ma belle grosse tub. Alors, oh, il y a Lisa à l'air. Oh oui, bah, on va mettre un petit une petite podcast pause sur déjà. Pause, wow. J'imagine. Hein. Et on est de retour cette fois. Oui. Alors, d'habitude, maintenant, je fais des cuts pour que les cuts soient. Discret. Attends, mais t'es essoufflé là. Non, mais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allé aux toilettes là. Ah, quoi ? Non, il y a des copines qui sont arrivées. Parce qu'on fait une petite... Une sauterie. Alors, dont le thème est porno chic, donc attention aux mots que t'emploies quand vrai, même. Pardon. Mais ouais, on fait une petite soirée dont le thème est porno chic. Voilà. Donc, voilà, elles ont ramené de quoi breuvager moult fois. Rien de sexuel là-dedans. Non, bien sûr. Enfin, sauf passer 23 heures, quoi, mais voilà. Après, on ne répond plus de rien. Ah ouais, ça. Mais du coup, c'était à moi de te faire deviner un film. C'est hein. À toi. Trêve de bavardage. C'est à toi. Exact. Alors, bon, c'est... Attends, recule un petit peu, juste histoire que tu sois bien dans le cadre. Ah oui, voilà, pardon. Que les gens ah puissent oui, profiter là, okay. De ton faciès. Alors, disons que pour ce méchant-là, ouais. La solitude peut parfois faire des choses insensées. Comme par exemple... condamner l'espèce humaine tout entière, finalement. Okay. C'est plutôt insensé, je trouve. Ça dépend. Et peut-être qu'on mérite. Et le pire, c'est qu'après ça, il faudrait pardonner à cet acteur. Ah, attends, mais... C'est un... Je me souviens plus de comment il s'appelait dans le film. Ah si, quoique, je m'en souviens. Mais du coup, c'est par rapport au personnage ou à l'acteur ? C'est si tu trouves le nom de l'acteur ou le personnage, ça me va. Et du coup, après, pour cet acteur-là, en tout cas, ouais, il faudrait lui pardonner quand il fait un autre film dans l'espace où il est censé être le héros. Je t'avoue que je... Des films dans l'espace, il n'y en a pas... Bon, il y en a... Il y en a énormément, en réalité, il y en a vraiment beaucoup. Mais réfléchis un petit peu, le mec était seul. Il y en a tout un univers, des films dans l'espace. Dans... Oh, allez. Je cligne des yeux, attention. Mais le mec était seul, tout seul, dans l'espace. Il était seul tout. Ouais, seul tout dans l'espace. C'est Gambi. Ah bah non, il est en feat avec Us, pardon. Ah, dans l'espace, ouais, ouais. C'est Daft Punk ? C'est pas lui. C'est... Lui. C'est les frères Bogdanov. C'est pas eux non plus. C'est Dieu. C'est pas eux non plus. Ah. Oh. Parce qu'il y en a plusieurs, je pense. Mais non. Ou pas. Est-ce que je peux dire la réponse? Ah non, faut que tu le mimes un peu. Faut que je trouve. Mime-le. Ouais, mime un petit peu. Ah, pour c'est moi. C'est compliqué de mimer ça. Ou alors une phrase qui pourrait dire un ton de voix, une réplique. Une petite réplique. Une petite réplique. Une petite réplique, une petite connerie là. Écoutez, vous ne savez pas ce que ça fait d'être seul pendant des années comme ça. Je suis désolé, mais je préfère partir maintenant. Il y a un truc un peu. Est-ce que c'est Matt Damon dans Interstellar ? Yes ! Ok, bon bah voilà. J'en dirai pas plus, mais j'en pense pas moins. Hashtag, depuis qu'il a une copine, il regarde que ce film non, et il mais veut non. se faire bien voir. C'est pas vrai c'est sûr, mais c'est... non, c'est juste que c'est devenu... C'est un film... C'est devenu mon film préféré, le lapsus. Le lapsus révélateur. Ça a toujours été mais mon c'est film. Mais c'est bien, c'est bien. Tu, non, es, un, tu es un romantique et on ne peut pas. On, ça, l'a, on l'a déjà vu. Il était toujours dans mon top 5, ce film. Oui. C'est vrai. Non, il est top 1, hein, mais... Excellent. Matt Damon. Excellent. Dont Matt on Damon. Me dit que j'ai une certaine ressemblance avec. Comme Mark Wahlberg. Dont on me dit que j'ai une certaine ressemblance avec. J'ai pas dit que j'étais avec. Bon en français, ok. Au moins, t'as une ressemblance avec un acteur américain avec. Ah, je fais Vincent sur toutes les photos, là. Non. Sur toutes les photos, il est comme ça. Arrête, c'est pas vrai. Des fois, je suis comme ça aussi. C'est vrai. Il y a le sourcil droit est légèrement plus... Oui, vrai, c'est ça. C'est ok. Alors... Ah oui. Là, je suis dans l'attente. Hein. Tout comme tout en le fait, monde. Là. Je suis en improvisation. Je ne sais pas si je te fais un rébus. Attends, est-ce que tu veux que je te le tienne ? Non. Non ? T'inquiète. T'inquiète pas. Je suis un grand garçon. Bien fort. Bien fort. Bien portant. C'est vrai. L'imitation. Qui ? À 50 km/h. Ça, c'est mon premier. Et mon deuxième est un animal. Dégueulasse, qui vit dans les égouts, dont... Le lézard dans Spider-Man. Non. Mais la ref à Spider-Man est placée. Oui, yes. Dont les spécimens parisiens sont semblables à des hommes plus ou moins... voilà. Dont les spécimens parisiens sont semblables à des hommes. Voilà, ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux qui vivent dans les égouts, mais à Paris... Des rats. Voilà. Ben, voilà. C'est un méchant de film, ça. Voilà. De ces drogues. Je t'ai dit le premier, la première syllabe avant. Et j'ai dit... Qui ? Voilà. Kira ? Oui. Oh ! C'est... Oh, d'accord, c'était un rébus comme ça, oui. Mais oui. Ah, mais oui, bah, je suis trop bête. C'est le principe d'un rébus. Du coup, c'est Kira dans Death Note. Yes, voilà, que je vous remonte. Attends, il est pas mal, hein ? Je le fais. Hop, regardez. Regarde. Excellentissime. Voilà, regardez, donc là, c'est avec les chiffres par rapport à... J'en dis pas plus, si vous n'avez pas vu Death Note, regardez Death Note immédiatement, extrêmement important. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui ont vu Death Note, ça leur parlera. Exact. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu sous-exposé, là ? Je vais meubler un petit peu, car je suis dans l'attente de mon partenaire. Tac, tac, tac, dans l'attente de mon partenaire particulier. Let's go. Ok. À toi ! Ok, c'est à moi. Oui, c'est vrai. Franchement, j'aurais voulu être un artiste, déjà. Non, j'aurais voulu faire, comme toi, des belles phrases, des belles envolées. Oui. Mais les dessins m'ont demandé déjà pas mal de temps. Donc finalement, j'aurais fait exploser, en fait. Alors, bonjour à la présentation de mon PowerPoint. Donc, ça aurait été vraiment long. C'est vraiment très, très long, ouais. Mais j'ai bien aimé les petites diapos, là, pour l'instant. J'ai hâte de voir la dernière. Oh, elle va te surprendre et... Elle va te ravir, mon petit. Oh, c'est dans Spider-Man. Alors, non, pas du tout. Ah, merde. C'était trop facile. Ah, merde. J'avais hésité à faire Doc Ock. Ah. Mais c'était trop facile. Ouais, je comprends. Alors, son truc à lui, oui. C'est les pieuvres. C'est Docteur Octopus. Putain, oui. Incroyable que... Le gars, 7 secondes avant, je voulais faire Doc Ock. Fast forward. Son truc à lui, c'est les pieuvres. Directement, directement. Merde. Franchement, quand t'as dit ça, je me suis dit... Bon. C'est Doc... Là, je viens de voir. J'hésitais à faire Doc Ock. Cut, gros plan de ton front sur lequel perle une petite goutte de sueur. Oh non. Ah putain. Bon, Doc, d'ailleurs, mais vas-y, dis-le quand même. Mais c'était le moins drôle. Ah. J'ai mis son truc à lui, c'est les pieuvres. Alors qu'à la base, c'était plutôt la physique quantique. Ouais. Mais suite à une expérience ayant quelque peu dérapé... Il était facile, ouais. Il s'est dit que faire le mal était pas une si mauvaise idée. Oui, c'est vrai, finalement. Moi, quand j'ai un accident avec ma voiture, je me dis, bon, pourquoi pas anéantir l'espèce humaine. Voilà, moi, c'est... Il y a un moment, on a cherché un peu. C'est vrai. Bon, trêve de galéjade. Remanier la formule. Ça, c'est Doc Ock, ça. Oui, bien sûr. Virez, vous croyez. Spider-Man. Peter Parker, quand il dit à Mary Jane qu'il l'aime, juste avant. Bien sûr. Ouais. Après, il dit, oh, ah, ma carena. On a fait, alors attends, je le place. Oh, on a j'ai fait failli voir. On a fait un escape game pour une de nos copines qui est là, Rachel, à qui on fait un gros bisou. Et big up Rachel. Voilà, pour son anniversaire. Et Rachel, vas-y, viens deux secondes. Et pour son anniversaire, on a fait un escape game et c'était vraiment cool à Strasbourg qui s'appelle Amazing. Amazein. Donc c'est un jeu de mots. Amazing. Un labyrinthe à l'intérieur dans lequel on va, bref. Et c'était vraiment trop bien. On dirait que je fais un podcast à l'ancienne. Alors, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Tiens, viens dire bonjour. Juste viens dire bonjour, Rachel. En plus, on parle de toi. Viens. Voilà. Regardez, Rachel. Bonsoir. Rachel morte. Ça va ou quoi, bonjour, Rachel? La ça forme va très bien, ça va, oui. Oh là là, il lui prête son micro directement. Alors, oui. Tu te souviens de l'escape game qu'on a fait l'autre jour? Oui. Il était bien? Oui. Il était cool? Oui, par contre, je suis trop nulle. Hein. C'est vrai ouais, je faisais c'est dur, c'est dur. C'est dur. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes fortiche en escape game. Est-ce que tu le recommandes, Amazing, à Strasbourg? Oui. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Surtout qu'en plus, je crois qu'il change assez. Attends, faut bien parler. C'est vrai que t'as jamais fait de podcast, non, faut bien parler dans le micro. Je pense qu'il change quand même assez souvent, entre guillemets, les thèmes. Ouais. Non? En fait, ils en rajoutent. Là, le dernier qu'ils ont fait, parce que normalement, là jusqu'à présent, ils achetaient des concepts, donc des salles qui étaient déjà faites. Et là, le dernier, là, ils l'ont fait eux-mêmes et tout. C'est ça, hein, je crois, dans le lab et tout, sur place directement. Donc, franchement, c'était voilà, gros big up à eux. C'était vraiment cool. Ouais. Je sais plus pourquoi j'en parlais déjà. Pourquoi t'en parlais? Yes. Attends. Mais je sais plus pourquoi on est parti là-dessus. Pour être tout à fait franc, on a peut-être bu un petit peu. Oui, c'est vrai, un petit peu. Oui. Buvez avec modération, les enfants. Exact. Toujours. Toujours, toujours. Tu bois pas? Non. Alors, elle a la manie de boire un café, genre à 23h, et elle arrive à dormir. Si je fais ça, je dors pas pendant 3 jours, en fait. Donc, si tu fais ça, je ne le fais pas parce que c'est dégueulasse. Alors, ce café. Je suis quelqu'un de très hyperactif, mais du coup, je sais pas. Je ne veux pas taper avec. Oui, alors. Oui. Je suis quelqu'un de très hyperactif, mais quand il faut dormir, je dors. 10 minutes, c'est bon, je dors. T'arrives à switcher? Ouais, c'est ça. Okay. C'est rare que ça m'arrive que j'arrive pas à dormir. Okay. Voilà. Bah écoute, formidable. Super. Un super pouvoir, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Rachel. Que beaucoup t'envie. Merci beaucoup, merci Rachel. Rachel. Voilà, c'est ça, la bonne franquette. Oui. C'est ça, les franquetois, hein, notre communauté, ce sont que des gens excellents. En fait, mon appartement est une garçonnière, finalement. Il y a des millions de personnes. Après, garçonnière, ça a c'est... un petit peu une autre connotation, en fait. Donc, je rappelle, n'étais pas au courant. Tu es en couple, fais attention à ce que tu dis. Hein. Je suis désolé. Écoute-moi bien, si tu regardes ce podcast, je suis désolé. Moi, je m'en sors bien, mais attention, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Je sais plus pourquoi on parlait de Doc Ock. Ouais, non. C'est bien, bon, bref, allez. Allez. Alors donc, le dernier méchant de film à faire découvrir, j'adore ça. C'est un méchant que tu apprécies. Oui, c'est le Joker. Non. Attends, parce que j'essaie de faire un petit une petite rime, un petit rap. Vas-y, un petit calembour. Vas-y, balance-moi une instru. J'ai une énorme tabée. Non, pardon. Je me suis cru rappeur. Ah, mais non, je suis pas un méchant de film, voilà. Désolé. J'avais oublié. J'avais oublié. C'est un méchant que tu apprécies. Oui. Car il est dans un. Non. D'un fruit jaune, il traite le héros qui pour lui est un anti. C'est Biff Tannen dans Retour vers le futur. Voilà, exactement. Qui ressemble à ça. Hein. Et ça, c'est Marty McFly qui se prend la banane. Et ça, 3034. C'est... Oh, ouais. C'est sympa. Hop. Tac. Voilà. Donc ça c'est Biff Tannen, voilà, qu'on reconnaît, je pense, hein, qui balance du coup une banane à Marty McFly qui est là. D'où le poc, hein, le bruit de 3, c'est le chiffre qui vient après 2. Alors, très très sympa. Merci même beaucoup. Si bon, pour le coup, t'es une banane, quoi. Bon, après, on peut avouer que tu as triché, mais c'est mauviette. Oh, j'ai triché. Arrête, je le vois dans tes yeux, ils ne mentent pas. J'ai pas triché. Arrête, regarde ce petit sourire en coin là. Allez, à qui tu veux faire croire ça, enfant de salaud? Toi-même. Lui-même. Boys to men. Ah non. Ah non. Voilà. Donc on a parlé de ces petits. Enfin, on n'en a pas parlé du tout. On a fait un jeu par rapport à un jeu. Voilà. Mais quel est ton méchant préféré? Mon méchant préféré. Tu veux tous les derniers... Non, mais quel est ton méchant préféré d'abord? Mon méchant préféré. Ce sera très très commun finalement. Hein. C'est le Joker. Ah là, je m'y attends. Aïe. Tout de suite. Aïe. C'est son cri. Son cri de ralliement. Aïe. Mais je crois qu'il est un peu indien aussi, c'est pour ça. Il fait les signaux de fumée quand il attaque Gotham City. On parle pas du même Joker. Non, le Joker. Ah oui, genre les vitamines, les fruits et légumes par jour. Enfin, ouais, ça, le jus d'orange. Ouais. Mais c'est pas ça. Ah pardon. Okay. Non, rien à voir. En fait, il s'agit du Joker. Ah, Joker. Genre je suis un peu noir. C'est je pas... suis un peu du R&B, je fais du rap. Je suis ultra gosbo, je fais des bonnes petites lyrics. C'est pas le rappeur. Ah non plus. C'est pas le rappeur non plus. Pardon. Okay. C'est pas le rappeur non, Joker, c'est pas le jus multivitaminé. Ou alors multivitaminé. Ça pourrait être une carte, tu vois, quand t'as pas un as de pique, de trèfle ou autre, tu poses la carte. Ah, et tu... Oui, ça a un peu plus un rapport déjà. Donc je suis pas loin. Là, t'es pas loin. Mais il s'agit du Joker dans Batman. Bien sûr, évidemment. Attends, mais tu veux... Et moi, je suis le Joker. Si le Joker avait cette voix, ça n'aurait jamais marché. Score au box-office, -1. Même le réel, il fait. Non, je regrette d'avoir fait ça. Chris Nolan. Ne reprenez pas cette vidéo pour en faire des gifs ou des je ne sais quoi. Faites-le. Moi, ça me fera très Personne plaisir. Personne ne le fera. Mais non, le Joker, alors c'est très commun, mais bon, voilà, méchant qu'on ne présente plus. La plupart des gens l'adorent parce que, bon, déjà, il a eu des... Faut dire que ce qu'il a popularisé, c'est quand même ses représentations incroyables. Ses acteurs, notamment Heath Ledger tout de même. Hein. Heath Ledger. Incroyable. C'est fou parce que je regardais Batman The Dark Knight en VF toujours. Parce que je l'avais vu en VF la première fois et tout. Et du coup, un petit côté nostalgie et tout. J'aimais bien la VF, elle est pas mal. Mais quand je l'ai vu en VO, j'ai vu à quel point... Heath Ledger en tant que Joker était vraiment ultra fort, c'est incroyable, c'est vraiment fou. Bah, je crois qu'il a été oscarisé pour meilleur second rôle, à titre posthume d'ailleurs, puisqu'il s'est suicidé entre la sortie du film et sa production. Donc il n'aura jamais vu le produit fini qui a été sa prestation dans ce film, et c'est bien dommage parce que à l'heure actuelle, c'est encore pour moi le meilleur Joker, qui est une interprétation complètement folle, extrêmement torturée et tellement réaliste. Il y a un côté absolument anarchiste. Qui fait, en fait, ça fait peur. Incroyable. En fait. On se dit que ça, limite, ça pourrait arriver. Quelqu'un comme ça. Alors bon, déployer autant de moyens et tout pour un gars tout seul, bon, ça fait un peu conte de fées, quoi. Ça fait un peu, ouais, c'est magique, tu vois. Genre, il a. Après, c'est le rêve américain aussi. Je pense que le Joker est la plus belle représentation, d'ailleurs, de la concrétisation du rêve américain. Oui. Donc, si vous voulez devenir riche, devenez le Joker. Un peu de peinture de... Pardon ? Quoi ? T'as dit un truc ? Peinturlurez-vous. T'es un hurluberlu en tout cas, toi, c'est clair. Écoutez. Écoutez, monsieur Sarkozy. Non, non, le débat s'arrête maintenant. Ce n'est plus à vous de parler, vous n'avez plus la parole. J'ai fait David Pujadas. Je respecte. Non, mais... Ça serait marrant de voir un politicien ultra classe bourgeois, c'est très bourgeois, de classe bourgeoise. Oui. Avec un maximum de fric, des hautes valeurs sociales, morales, tu vois, un produit du terroir. Exact. Et l'inverse total. Quelqu'un qui vient plutôt de classe pauvre moyenne, qui est plus dans un vocabulaire urbain et tout, tu vois. Mm-hmm. Voire même un rappeur contre un représentant politique, ça pourrait être marrant. Ça pourrait, ouais, bah ouais, ouais. Ça m'intéresse. Je serais, et en dehors de mon métier... Bah, il y a peut-être, comment il s'appelle, le mec qui venait de la campagne et tout, qui avait fait les débats en t-shirt et tout. Jean Lassalle ? Non, c'était un mec vraiment représentant des agriculteurs, ouvriers et tout. Je me souviens plus comment il s'appelle. Je sais plus. Mais déjà là, genre il disait ses quatre vérités à tout le monde et tout. Ah oui, Poutou. Poutou, voilà. À qui on fait un gros Poutou d'ailleurs. Le Poutou à Poutou. Ah bien sûr, pour le. Bien sûr. C'est pour le jeu de mots, on n'est toujours pas politisé, attention là. Attention. Du coup, oui. Mais voilà. Mais voilà. Voilà. Voilà. Mais voilà, le Joker, c'est mon personnage préféré. Mais voilà, c'est quoi ton personnage préféré ? Écoute, j'en ai quand même plusieurs. Ouais, c'est assez compliqué de trier sur le volet. Est-ce que c'est Jason Bardem ? Javier Bardem. Jason Bardem, t'as fait Jason Bourne, donc l'ennemi de la franchise James Bond, avec un des ennemis de James Bond qui est Javier Bardem, du coup Jason Bardem. Et bien, c'est pas, y a pas Javier Bardem dans le lot ? Non, parce que j'ai vraiment fait non. Non, parce que pour moi un méchant doit. On dit souvent que un film. Est qualitatif par rapport à l'écriture de son méchant, parce qu'il poursuit toujours le même but que le héros, voilà. Mmh. théorie de storytelling principale. Plus le méchant est réussi, plus l'histoire est réussie, tu vois. C'est pour ça que Jean-Claude Van Damme qui mange des carottes dans Expendables, bon, ça, voilà. Bon, en même temps, on va pas avoir Expendables pour l'écriture de son personnage. C'est pas, ouais. Mais par exemple, Dark Vador, incroyable. Même si t'as pas vu Star Wars, tu sais à quoi il ressemble. C'est la réplique. Tu connais sa musique, tu connais la réplique, tu connais sa respiration. Ouais. Donc c'est incroyable. Dark Vador modèle d'écriture de méchant par excellence. Ouais, et franchement, quand dans Star Wars Rogue One, bon, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas. Moi j'aime bien. Ah, toi t'es pas trop fan. Ouais. Mais j'adore la scène, comme tout le monde. Voilà. Tout le monde adore la scène de Dark Vador. Ça. Voilà. Quand il arrive, c'est pouf. Là, on se dit, ah ouais, il est. Ah, il rigole zéro. Il rigole pas. Ah, il rigole zéro. Il rigole pas du tout. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Mince. Bah alors. On parlait de mes méchants préférés. Oui, t'es méchant. Je dois dire que j'en ai. En toute franchise, j'en ai pas trop parce que j'aime bien me faire l'avocat du diable, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah, vas-y, je t'en prie. Je voulais juste dire que si vous voulez un méchant qui est vraiment très stylé, dans un film que pas tout le monde a vu, mais qui est culte, allez voir Usual Suspects, qui est un très très bon film. Et le méchant, on a une aura de peur par rapport à ce méchant dans le film, sans jamais le voir. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Il y a tout un principe de tension et de teasing tout le long du film qui, à la fin, est désamorcé par un climax. Incroyable. Plutôt un twist absolument incroyable. Pour l'avoir vu personnellement avec d'autres personnes et en avoir discuté avec d'autres personnes, personne que je connais ne s'y est jamais attendu, effectivement. Moi, on s'y attend pas. Vraiment, incroyable. Traîné sur les forums de jeuxvideo.com, j'ai été spoilé un jour. Ah ouais, genre ouais, et du coup, sauf que j'avais vu ce spoil bien avant de voir ce film, ouais. Ouais. Et quand j'ai vu le film, c'est de base quoi. Voilà, bon après. Attends, mais tu te laisses distraire extrêmement facilement. Mais bien avant de voir ce film, j'avais vu ce spoiler. Je me laisse pas distraire par. Voilà, ça c'était le rire du Joker. Pas du tout, vraiment. C'est un milieu d'être. Le rire du Joker, c'est. T'imagines le rire du Joker, ça aurait été ça. Si seulement quelqu'un a remplacé tous les rires du Joker par un... Tu crois que ça existe? J'adore. Genre... Joker's Love, but Adam Spice. Spice Adams. Putain, ce serait ouf. Faites-le, Internet, faites-le d'une façon ou d'une autre. Plaît. J'ai vraiment la flemme. Les Américains qui nous écoutent, faites-le, là. J'ai trop envie de Just do it. Ok, just do it. Hashtag Nike, hashtag sneakers. Bref. Voilà. Bon. Non, mais j'avais été spoilé bien avant de voir le film. Et en fait, quand j'ai commencé à voir le film, je m'étais dit, je m'étais rappelé du spoil. Mais je m'étais dit, mince, est-ce que c'était vrai ou pas? Et pendant le film, je me disais, non, c'est pas possible. Ils que ont quand même pas spoilé voilà. Ces enfants de bâtards. Voilà, déjà. Et en plus, je me disais, non, c'est sûrement pas ça. C'est impossible que ce soit ça. Et voilà, je m'étais quand même fait spoiler et la fin m'a quand même surpris malgré tout. Donc, à voir. Écoute, si je devais en citer qu'un qui me vient, parce qu'il y a beaucoup de. C'est Thanos. Non. Alors. Thanos, j'ai bien. En fait, oui, mais je trouve que ça, c'est pas subversif, c'est pas toi, une prise de risque. Toi... En fait, dans l'univers Marvel, c'est une prise de risque parce que d'habitude, on a toujours des méchants extrêmement manichéens qui sont je suis méchant parce que je suis méchant. Tu vois, alors, vraiment, ils ont aucune réelle motivation quand tu creuses, c'est vraiment là. D'ailleurs, c'est pour ça que Marvel, au final, ça reste des films popcorn, mais pas des vrais bons films, malgré tous ceux qui sont sortis. C'est que il y a très peu de conséquences, très peu de prises de risque, etc. Les Spider-Man, tous autant qu'ils sont. The Amazing, pas du tout. Excellent, meilleur film que j'ai vu. Ceux avec Tom Holland, on en parle du deuxième peut-être, Vincent. C'est meilleur film que j'ai vu. Far From Home. Fait meilleur film, ouais. Quelle salope. J'ai jamais vu de film aussi bon. Flashback de quand il est sorti de la séance. Putain, c'est trop nul, je suis deg. Non, ça, il était vraiment nul. C'est globalement putain, ça. La merde. Dommage, parce qu'en plus, t'avais Jake Gyllenhaal. Ah, mais oui. Là, t'avais et j'avais mon acteur préféré dans un Spider-Man. Ah, voilà, incroyable. En méchant en plus. En plus, Tom Holland se défend quand même plutôt bien. Oui. En teenage, Spider-Man, ils sont en tant que bien. Spider-Man, je l'adore. Franchement, je trouve vraiment bien pour le rôle. Mais c'est vrai que dans la série, dans la saga de base de Sam Raimi, je trouve qu'il y avait peut-être un peu plus de prise de risque, de trucs un petit peu plus. Voilà, ne serait-ce que le bouffon vert qui se fait transpercer comme ça par son planeur. C'est vrai. Quand même, tu vois. Ouais. Quand t'es enfant, tu dis ah, quand même, et ça va loin les super-héros. Non, et mais puis... si je devais en citer qu'un, puisque bon, on n'arrête pas de me couper dans mon propre podcast, ce qui est quand même un comble. C'est Palpatine. Alors, pas du tout. Surtout, encore moins après Star Wars 9. Plus jamais. Je veux plus jamais en parler. Les trois derniers Star Wars n'existent pas. J'ai quand même réussi ils à te distraire jamais encore une fois. Existé. Non, mais ça, il faut en parler. Okay. Ça, j'en fais un combat personnel. Comme beaucoup de monde d'ailleurs, finalement, parce que c'est vraiment de la merde. Alors, ouais, non, ça serait le méchant de Old Boy, si tu t'en souviens. Ah, bah oui. Oh oui. Qui okay, est. Okay. Qui, en fait, qui a tout. Qui a la méchanceté psychologique et physique. Puisque là, on se souvient du climax. Hein. Enfin, incroyable. C'est... Ils ont dit après la scène. Attention, mais... ça va couper. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, il est aussi dans la cité de la peur. Voilà, donc, D'ailleurs, il joue Richard Darbois. Non, comment il s'appelle Alain Chabat. Mais non. Son nom. C'est lui qui joue Imhotep dans. Dans Astérix et Obélix. Je sais plus comment il s'appelle Imhotep d'ailleurs. Non, il s'appelle pas Imhotep. Tu sais, il a une voix extrêmement grave comme ça. Gérard. Richard Darbois, en tout cas, c'est celui qui dit vous voulez un whisky. C'est lui. Oui, ça. Mais c'est le doubleur de Vegeta, tout ça, là. Non, tu le confonds. Darbois, en tout cas. Ah, attends, c'est un gros Darbois. Doubleur français. Darbois, c'est Buzz l'éclair en doublage. Ouais. Mais Buzz l'éclair. Ah non, ça, c'est François. Je sais plus comment il. Oh là, il y a trop de noms. En plus, là, on est. Bon, là, pas bu, donc. Tu connais. Non, mais. Moi, j'ai pas bu du tout. Je suis comme ça tout le temps. Ça, c'est mon verre. Ça, c'est son verre. Il y a peut-être une différence de volume. Tu vois, mauvais parleur. Non, mais quel est ton finalement méchant préféré de tous les temps? Ah, mais oui, bah en fait. Tu n'écoutes bon, pas, vraiment pas du tout. Non, non, en réalité. Je regarderai à nouveau ce podcast pour savoir. Ouais. Non, attends, écoute, laisse-moi, vas-y, meuble un petit peu, laisse-moi réfléchir vite fait. Que oui, voilà, dans Oldboy, c'est vrai qu'il y a la méchanceté psychologique, la méchanceté physique. La méchanceté, hein. Méchanceté physique. Et Oldboy, qui est un film coréen qui est absolument culte. De Park Sun-wook, si je me souviens bien. Mais je crois qu'on en a, sûrement parlé dans le podcast. Regardez des films coréens. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Parasite a remporté bon nombre de prix cette année, la en Palme 2019. D'or, peut-être. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, il est possible que ça soit adapté en série et j'ai envie de voir ça. Alors, ça risque d'être un petit peu moyen, on ne va pas se mentir, puisque les gros succès qui sont généralement adaptés en série, bon, ça, généralement, c'est des navets. Mais en tout cas, le film Parasite, excellentissime. Et puis, il nous retourne, il se passe des choses, on ne s'y attend absolument pas. En plus, il y a un sous-message de critique. C'est vrai, c'est vraiment ça. Exact. C'est vraiment intéressant. Moi, j'avais envie de dévier sur un autre sujet. Oui, et par rapport au méchant film. Et c'est un sujet qui va fortement te plaire. Alors, en combien de temps tu penses pouvoir le boucler? Juste vite fait, que sache. Franchement, ce sera pas long. Allez, let's go. En gros, je voulais parler des méchants de James Bond. Oh, j'adore. Car je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les méchants de James Bond ont une particularité physique. C'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Non, mais on passe de quoi? La cicatrice sur l'œil blanc, le visage complètement affaissé. Il y avait requin avec toute sa mâchoire. Bon, ça, c'est dans les anciens James Bond. Ouais. Mais effectivement, attends, c'est quoi? C'est une capsule de cyanure? Non, je sais pas. Ouais, une capsule dans Skyfall, de cyanure. Je crois qu'il fout en l'air, Javier Bardem. Là. J'arrive pas à me souvenir de son nom dans le film. Ramirez, quelque chose. Je crois qu'il s'appelle. Je sais pas. Non, je sais pas du tout comment il s'appelle. Mais ouais, les méchants de James Bond, très bons méchants en général. Ouais, c'est bien écrit. Bah, en fait, ils sont pas spécialement développés avec toute une storyline de ouf, mais dans l'univers dans lequel ils sont incorporés, ils sont parfaitement à leur place et ils correspondent tout à fait aux enjeux du film et des aventures en question. Donc c'est pas une écriture complexe à la Lovecraft, et pourtant ça marche très bien quand même. Le chiffre qui pleure du sang finalement. Bien sûr. Il dit quoi? Rien de sinistre. Rien. Un simple dérèglement des glandes lacrymales. Rassurez-vous général, rien de sinistre. Voilà, c'est ce qu'il dit. Dans Skyfall, bon après. Tu peux nous faire toutes les répliques vite fait. Oui, bien sûr. Alors ça commence par. Non, en vrai, il y a beaucoup de répliques que je connais quand même. Mais Casino Royale, c'est quand même le seul qui m'a autant marqué au niveau de ses répliques, notamment celle. Quand il se fait empoisonner, qui revient à la table de poker et qui lâche avec un flegme. Le méchant lui dit que s'est-il passé? Non, c'est pas le méchant. Je crois, il lui dit si, je sais plus. Ça va, je crois, il lui dit bah alors ma couille. Je crois qu'il lui dit ça. Ouais, je crois. Il lui dit déjà vous avez changé de chemise. Enfin, je sais plus exactement comment ça se passe. Je me souviens juste de ça qui m'a aveuglé tellement elle est parfaitement elle est clinquante. Voilà, et James Bond sort avec un flegme britannique des plus arrogants. Veuillez m'excuser, cette dernière main a failli me tuer. Alors que littéralement 30 secondes avant, il était au volant de son Aston Martin en train de faire une crise cardiaque. Aux portes de la mort. Incroyable, incroyable. Donc voilà, c'est effectivement les méchants James Bond, surtout sur la saga de Daniel Craig qui est ma préférée, hein, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris. Sont, je trouve, particulièrement bien écrits. On n'a pas eu de. Dans Quantum of Solace, mais encore une fois, c'est un film qui soulève les débats et qui ménage les passions. Parce qu'il est nul. Il n'est pas nul. Trop de gens s'attendaient à quelque chose de différent, en fait. Je comprends qu'il déçoive. Vraiment, je comprends. Mais je ne valide pas la déception éprouvée. C'est-à-dire que je la comprends, mais elle n'est pas justifiée. Non, mais ça, c'est parce que t'es fan. Il y a non, Daniel je Craig reconnais, dedans. Je reconnais énormément de ses défauts. Même au niveau de l'image et tout, c'est pas le meilleur qui a été fait. Même au niveau du jeu d'acteur. D'ailleurs, dans une des premières scènes où on est dans l'entrepôt de. Je crois qu'il s'appelle Leblanc, le méchant, je sais plus. Bref. Il y a un gars d'entretien qui balaye, c'est dans un port. Il y a un gars d'entretien qui balaye. Et en fait, si tu regardes, en fait, il ne balaye pas. C'est-à-dire qu'il a son balai à genre 3 cm au-dessus du sol. Ouais. petit faux raccord. Voilà, parce que je les regarde image par image, les James Bond, donc maintenant Tu as tout, en fait. Les costumes Tom Ford et tout, par cœur, je connais tout. Voilà. Oh là, quel homme. Mais avant de se quitter, est-ce que tu aurais peut-être un petit film à conseiller encore, en plus de Old Boy et Usual Suspects, à conseiller avec un bon méchant? Alors déjà, franchement, tout le cinéma coréen, globalement, j'ai vu, bon, j'ai pas vu un milliard de films coréens quand même, mais j'en ai vu plus que la moyenne, et ils sont toujours... au niveau de l'esthétisme, par exemple, regardez juste Mademoiselle. Regardez le film Mademoiselle et venez me dire que c'est un film moche. Je vous tue. Voilà, il y a pas sans plus tarder. Non, mais on aura une sévère discussion avec les parents qui viennent, mots dans le bulletin et tout, ça va pas se passer comme ça. Donc non, parce que moi je rigole pas. Hein. Je rigole pas avec ça. C'est vrai. Attention. Hey. et voilà. Écoute, je te laisse en placer un le temps que moi je réfléchisse. Ok, bah c'est bien parce que j'en avais justement. C'est ce que tu comptais faire. Donc c'est fou parce que quelque part, ouais. Tu vois, ce micro qui est bleu et le mien qui est rouge. Non. Retour vers le futur. Vous avez déjà vu l'échappatoire à chaque fois. Retour vers le futur. Très bon méchant. Non, mais là, j'avoue, j'en ai pas trop. Évidemment, Biff Tannen en Retour vers le futur. Moi, j'aime bien son petit côté. Un peu cocasse. Voilà. C'est un peu débilos, mais. Bon, après, c'est un bel enfoiré. Un bel enfoiré. Surtout quand ils vont dans le futur, c'est un bel enfoiré. C'est un bel enfoiré. Non, par contre, Alors, je vais déroger à la règle. Voilà. Sortons des carcans. Soyons des esprits libres. Je vais placer des méchants d'animé. Un petit peu. Oh. Voilà, pour, parce qu'on parle souvent de films et tout. On parle très peu d'animé. Bon, cela dit, tu en regardes assez peu. Donc All c'est, for c'est, one. C'est normal. Alors, ouais, en vérité, non. J'attends de voir tout le teasing qu'ils ont fait là-dessus. Parce que, bon, certes, il est extrêmement puissant. C'est le némésis de All Might et tout. On parle de My Hero Academia. Boku no Hero Academia. si jamais vous connaissez pas cet animé, excellentissime d'ailleurs. Ah oui. C'est Marvel fois un milliard. Ah, c'est voilà. Tout ce qu'a. C'est Marvel dans tout ce qu'ils ont raté, sauf que là ils ont réussi en fait. Voilà. Et en plus c'est de l'animation japonaise. Voilà. C'est qui est vraiment bien fait. Il y a certains partis pris esthétiques etc qui sont plutôt cool. Mais du coup voilà, juste pour parler de One for All. De All for One. Effectivement, j'attends de voir. Parce que là, bon, ouais, moi aussi. T'as vu comment on se développe un peu la saison 3 à 4 là. On est 4, hein. Ouais. La 4. C'est assez intéressant. Il y a d'autres méchants, il y a d'autres lignes de. Bon, on verra bien où ça mène. j'adore Freezer, qui est, je pense, de tous les mangas que j'ai lus, mon méchant préféré. Qui est sadique, machiavélique, manipulateur. Il est un badass, peu... il est trop bien. Il est mais il y a bien. Un truc de... On... Pour certains clichés de méchants, on dit souvent, ouais, ils aiment bien jouer avec le héros jusqu'à, Freezer. Au final, se faire battre alors qu'ils avaient toutes les cartes en main. Oui. Mais sauf qu'avec lui, ça passe parce qu'il a vraiment un côté sadique. En fait, comme ça, de faire souffrir voilà, le plus possible. Et ouais. À la fin, il se fait avoir à cause de son arrogance. Mais effectivement, chez lui, ça passe. Parce que bien souvent, dans les méchants de manga, c'est « J'ai un plan, je vais l'expliquer au héros, il va pouvoir me contrer et oh non, je suis défait !» C'est vraiment, dans les shonen, c'est le schéma c'est qui arrive tout le temps, en fait. Mais Freezer, voilà, c'est totalement justifié. C'est validé, hein. Je place aussi le roi Meruem de Hunter x Hunter, qui est sublime, voilà, autant dans son écriture, notamment quand il joue avec la petite qui est aveugle, avec qui il fait des parties de, je crois que c'est du Chogi, non, je sais plus comment il fait, bref, comment ça s'appelle, pardon, et aussi Hisoka, qui a, voilà, dans une certaine complexité, ouais, c'est le clown triste. C'est un peu le Joker de Hunter x Hunter. Ok. Et je placerai comme dernier en ce moment... Alors là, je regarde Fire Force, qui s'appelle Enen no Tsubukai, je crois. Je sais plus comment on dit exactement. Mais voilà, c'est un animé sur des pompiers que j'ai commencé récemment, qui est plutôt pas mal. Avec quelques lenteurs, mais pour l'instant... Full Metal Alchemist, bien sûr. Alors là, je suis obligé. Et Death Note. Alors là, c'est vraiment... Si je dois parler de méchants, ça, ces deux-là, ils sont... En plus, ce qui est très intéressant dans Full Metal Alchemist, c'est qu'il y a deux versions avec Brotherhood et Brotherhood et la version classique. Il y a deux versions, deux timelines qui se finissent pas exactement pareil, donc c'est très intéressant encore une fois de plonger un petit peu dans cet univers. Tokyo Ghoul aurait pu être très bien, malheureusement bon, c'est un peu foiré, surtout là sur la deuxième saison. La première est très bien, la deuxième est voilà. Donc Fire Force, on a un petit teasing assez intéressant, j'ai hâte de voir où ça va, surtout que le parti pris du manga est assez intéressant. Et enfin, le dernier que j'ai envie de placer et le seul auquel je pense à l'heure actuelle, c'est ça va me revenir. Ça ne me revient pas, Vincent. Un méchant d'animé, tu sais. Ouais, encore une fois, j'avais envie de placer un dernier méchant de manga, voilà, histoire de donner d'autres horizons artistiques et culturels. Est-ce que il s'agirait pas d'un animé que tu m'as déjà conseillé de regarder? Shingeki no Kyojin. Ah. Voilà, l'attaque des Titans. Parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Ça va de révélation, en retournement de situation. Et à chaque fois, t'es en mode What the fuck ? Et à l'épisode suivant, t'es What the fuck ? Et à l'épisode suivant, t'es What the fuck ? Et ça ne s'arrête jamais. Et tu consommes sans arrêt cet animé incroyable. En plus, il est beau. Il est excessivement beau. Un petit peu trash. D'ailleurs, je crois qu'il rentre dans la catégorie shonen, quand bien même il a plus l'allure d'un seinen, je crois. C'est-à-dire, en gros, les seinen, c'est plus les mangas pour adultes avec du sang, des sujets un peu plus matures, et les shonen qui sont plus Dragon Ball, en fait. Voilà. C'est le principe de Dragon Ball. Enfin bref, voilà, je vous ai donné plein de pistes et plein de bons mangas et d'animés à aller voir. Avec ça, vous avez de quoi faire, mais vous allez vraiment être déçus d'aucun de ces Dragon Ball, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, Shingeki 5. Bon, je parlais de Fire Fox, mais j'ai pas encore fini, donc voilà. Donc aucun de ces... My Hero Academia, voilà. C'est 6 mangas, c'est 6 œuvres, c'est 6 animés. Vous allez kiffer. Voilà, on peut y aller. Tête baissée. C'est du bon. Yeux fermés. C'est du bon. Et se cogner un peu partout dans la pièce, mais malheureusement. Mais toujours avec plaisir. Voilà. Toujours avec plaisir. N'oubliez pas. En tout cas, c'était la bonne franquette. On espère que vous, ça va. On peut commencer le podcast. Bonjour à tous. Bonjour à tous les Franquetois. Alors, pas du tout. Est-ce que t'as un film quand même que t'attends cette année par rapport à son méchant? Vite fait, puis on s'arrête sur ça. Un film que j'attends. J'attends le dernier James Bond. Ah, alors là. Plus que moi, impossible. pardon. Non, mais j'attends de voir le dernier James Bond parce que du coup, j'imagine que ça va être. Le méchant, c'est. Comment il s'appelle? Ramem Malek. Rami Malek, je crois que c'est, ouais, je crois que c'est bien ça. Le méchant, enfin le héros de Mr. Robot et l'oscarisé de Queen, qui joue excessivement bien, en tout cas dans Mr. Robot et Queen, donc dans Bohemian Rhapsody, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne en méchant, en tout cas dans la bande annonce. Surtout qu'on a ça n'annonce que du bon. On a vu le retour de, j'allais dire Flaubert, non. Le méchant. Adrien Méniel. Le méchant de. Attends, mais il y a ta meuf avec une culotte par-dessus son jean. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment devenu une garçonnière. On s'absente 30 minutes et ça. Bon, attends, moi j'ai des choses plus importantes à faire. Hein, mais. Blofeld, voilà. Blofeld. Le retour de Blofeld. C'est qui ça? Bah, le méchant de Spectre. Ah oui, c'est vrai. Donc on a hâte de voir ça. Voilà. De voir ça. Mais écoute, je n'ai rien de plus à dire. J'attends juste Spectre. Enfin, j'attends plusieurs autres films. Spectre ou No j'attends Time tous to les Die. James Bond. Je vais tous les regarder. Donc je les attends. Et en plus, j'attends No Time to Die as fuck. Mourir peut attendre. Voilà. J'ai tellement hâte. Et en même temps, j'ai tellement peur. Car je sais que quand il sera fini, que je serai sur mon siège, je vais aller le revoir dans la même journée. Encore et encore, jusqu'à mourir. Là, t'auras le temps de mourir. Elle a des menottes, là. Ça dégénère vraiment. Ah oui. Il est vraiment temps qu'on s'arrête. Parce qu'on a des choses plus importantes à faire. Ouais, alors, là, on est attendu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. À la prochaine.